Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce jeudi 17 décembre. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, l'historien Thomas Negaroff, pour notre série « La guerre des étoiles n'aura pas lieu depuis lundi ». Thomas Negaroff nous fait une lecture de la saga de George Lucas dans son contexte politique américain, c'est-à-dire depuis la guerre du Vietnam jusqu'à la guerre de Bush contre la terreur, l'axe du mal. Dans un instant, donc, le quatrième épisode avec la véritable guerre des étoiles. En deuxième partie, c'est la chronique de Laurent Nunez, la chronique mensuelle de Laurent Nunez. Je ne sais pas s'il a vu le film La guerre des étoiles, mais une chose est sûre, il va venir nous en parler. Tout de suite, tête chercheuse. Somewhere in space, this may all be happening right now. Star Wars. Here they come. The story of a boy, a girl, and a universe. La guerre des étoiles n'aura pas lieu, une série avec l'historien Thomas Negaroff, spécialiste des questions géopolitiques et des États-Unis. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, quatrième épisode, la véritable guerre des étoiles, c'est-à-dire le véritable ennemi russe de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la reprise de cette expression, la guerre des étoiles? C'est quand même une expression qui sort du film de Lucas. En fait, quand on écoute le discours de Ronald Reagan, si on peut encore, parce que ça, là on fait allusion à un discours de Ronald Reagan qui annonce en mars 83, quelques jours après le discours dont on a parlé hier sur l'Empire du Mal, là Reagan propose un grand bouclier finalement pour protéger le territoire américain de toute attaque nucléaire soviétique potentielle. Mais il n'emploie pas le terme « guerre des étoiles ». Il emploie l'expression officielle qui est l'initiative de défense stratégique. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est le lendemain seulement que les médias vont dire « c'est la guerre des étoiles ce truc ». Est-ce qu'un peuple libre pourrait vivre en sécurité s'il savait que sa propre sécurité ne pourrait être garantie par des représailles américaines immédiates? Que nous ne pourrions pas intercepter et détruire des missiles stratégiques avant qu'ils n'atteignent notre territoire et ceux de nos alliés? On imagine des satellites dans le ciel qui interceptent avec des bases au sol, etc., tout missile qui partirait du sol soviétique. On est effectivement dans une iconographie, dans un système de référence, et c'est là qu'on voit que la saga était à ce point forte, que le système de référence s'impose immédiatement dans la tête des commentateurs. Mais ce qui est intéressant pour l'anecdote, c'est que le premier à avoir parlé de guerre des étoiles, c'est Ted Kennedy. C'est le lendemain, il dit, c'est quoi ce projet-là qu'on essaie de nous vendre, qui va coûter des milliards, qui est inutile, qui est irréalisable, et c'est effectivement le cas, qui sera complètement irréaliste, mais on verra qu'il y a un usage, on verra pourquoi il l'a quand même proposé. Et Ted Kennedy, qui est sénateur du Massachusetts, et qui est une figure importante, hein, c'est le frère de l'ancien président, bien Ted Kennedy, mais c'est pour le déqualifier, dit, c'est la guerre des étoiles, ce truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pensant le déqualifier, il va le servir. Parce que dire « c'est la guerre des étoiles », c'est exactement ce qu'avait préparé Reagan depuis quelque temps. Parce que ça fait des mois que Reagan vous parle de l'apocalypse. Des mois qu'il vous parle du bien et du mal. Il fait un discours quelques jours plus tôt sur l'empire du mal. Donc il est en train de poser des bases très claires où il se place du côté du bien face à un mal. Et pour les Américains de l'époque, ils entendent cela en pensant nécessairement à la saga. Et quand Ted Kennedy dit « mais c'est la guerre des étoiles », en fait, il rend un énorme service à Reagan, puisque c'est vraiment ça qu'il voulait faire. Ce qui permet de vendre aux Américains, vous voyez, en gros, oui, c'est bien la guerre des étoiles, oui, nous sommes du côté des rebelles, oui, nous sommes face à un mal terrible qui peut nous détruire. Dans la guerre des étoiles, c'est l'étoile de la mort ou l'étoile noire qui a la capacité de détruire la planète. C'est l'arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire. C'est la même chose, c'est la même histoire. Et donc on voit, encore une fois, comme Lucas a été retourné par Reagan, par l'administration de l'époque, et vous savez, au point qu'en 1985, en ne supportant plus que des lobbies pro-militaires utilisent l'expression de guerre des étoiles pour vendre le programme notamment auprès du Congrès, eh bien, Lucas va porter plainte en disant « arrêtez d'employer le terme « guerre des étoiles ». Sous-entendu, bien sûr, il y a une question de propriété intellectuelle, c'est à moi, mais ça voulait aussi surtout, à mon avis, dire « vous êtes en train d'utiliser la guerre des étoiles à des fins qui sont opposées aux miennes ». Et donc, à la limite, pourquoi pas? Mais là, non, c'est impossible. Et il sera débouté, évidemment, parce qu'aux États-Unis, patrie de la liberté d'expression, évidemment, il est débouté. Mais vous voyez à quel point il a été dessaisi de son œuvre. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO. Human-cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Hello. It's an epic of heroes. Good luck. And villains. And aliens from a thousand worlds. Donc vous avez effectivement une guerre des étoiles vendue par Ronald Reagan, qui est en fait un piège lancé aux soviétiques. Il faut rappeler un peu le contexte. Hein. Depuis 1977, vous avez les euromissiles installés par les soviétiques en Europe, hein, des missiles SS-20. Rapidement, les Européens de l'Ouest, notamment les Allemands, vont s'inquiéter, vont demander aux Américains d'installer aussi des missiles à tête nucléaire hein, en Europe de l'Ouest. Les Américains vont louvoyer quelques années. Le front, finalement, est pas n'importe quand, en 1983. Donc, on est dans un contexte, quand même, de tension très forte entre les États-Unis et l'URSS à ce moment-là. Et un peu pétri par les idées d'un Kissinger, par exemple, il y a l'idée chez Reagan et chez ses conseillers que la guerre froide ne peut pas être gagnée militairement par les Américains. Bien sûr, ça ferait des dizaines de millions de morts, y compris aux États-Unis. Donc, il faut pousser les Soviétiques à la faute et notamment les pousser à une course à l'armement que l'économie soviétique ne peut plus à l'époque tenir. Et Yuri Andropov, qui dirige l'URSS à ce moment-là, en septembre, dira, et c'est la seule fois qu'il parlera de la guerre des étoiles, du projet, hein, pas du film de Lucas, il dira « c'est un piège ». C'est un piège, mais dans lequel on ne peut que tomber, parce que ça marche aussi en URSS, ce discours. Et quand on voit la course aux armements continue, quand on voit les Américains faire cela, bah les Soviétiques suivent. Et c'est en partie, évidemment, c'est pas le seul facteur, bien sûr, mais c'est une des causes de l'effondrement, quelques années plus tard, via l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 85, de l'URSS. Donc c'est un coup de maître, d'une certaine manière, que d'avoir agité cette menace de guerre des étoiles, qui n'est donc qu'illusion, à plein de niveaux. Illusion parce que c'est un film, illusion aussi parce que c'est impossible de protéger son territoire de toute attaque nucléaire, mais il y a une fonction à ça, en passant par des choses qu'on a déjà vues ensemble au cours de cette semaine, l'usage de la peur, la construction d'un démon soviétique à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 83, les tensions sont réellement fortes. Hein. Vous savez, c'est le 1er septembre 83, c'est l'avion de ligne qui fait New York-Séoul, qui entre dans l'espace aérien soviétique, qui se fait descendre par les soviétiques. Ça fait plus de 200 morts quand même, des civils. Un avion de ligne, un Boeing. C'est quelques mois plus tard, en novembre 83, donc l'installation des euromissiles du côté par les Américains, par les États-Unis, notamment à la demande aussi de François Mitterrand. Hein. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et puis il y a en plus des menaces très lourdes. On sait très bien que à la fin du mois de septembre 83, tout d'un coup, il y a une alerte chez les Soviétiques où on croit que les Américains sont en train de tirer une arme nucléaire, enfin de tirer sur l'URSS. Et ça s'est joué à très peu, mais vous avez juste un officier qui dit attention, c'est peut-être une erreur, peut-être on est en train de se tromper. Et heureusement, il s'était trompé. Sinon, il y aurait une réplique soviétique dans la minute. C'est le 26 septembre 1983. Donc tout ça dessine quand même un contexte extrêmement tendu, mais qui a été en partie tendu par les annonces de Reagan, qui a mis le feu aux poudres, mais qui avait une fonction politique qui était, comme je le disais, de pousser à la faute le diable, hein, ce qu'il appelait le diable, qui était l'URSS. Et cette actualité qui rattrape Lucas, est-ce que Lucas va l'utiliser pour poursuivre sa trilogie ? Est-ce qu'il y a des traces de cette guerre froide dans le Retour du Jedi ? Alors, c'est difficile, pas vraiment. On va retrouver, en fait, la première trilogie, les épisodes 4, 5, 6, tournés dans les années 70-80, ceux-là, ils racontent surtout vraiment l'Amérique post-Vietnam. Donc c'est, d'une certaine manière, la guerre des étoiles, mais dans le temps de la guerre du Vietnam. Donc c'est la guerre des froides, pardon, mais dans le temps du Vietnam. Et puis, ce qu'on appelle la prélogie, donc l'épisode 1, 2, 3, qui sont tournés après, dans les années 99 et puis 2000, là raconte plutôt l'Amérique post, enfin du temps de la guerre du Golfe, même si elle n'est pas encore, enfin après guerre du Golfe et puis après les attentats du 11 septembre pour les épisodes les plus récents. Donc il se saisit pas vraiment de la guerre des étoiles, de la guerre froide pardon, mais sinon indirectement. Mais c'est en revanche c'est la guerre froide qui s'est saisie de l'œuvre de Lucas à son corps défendant, puisque comme je vous l'expliquais, Lucas a été choqué, s'est senti dessaisi et surtout trahi par une œuvre qui quasiment était à ce point forte d'un point de vue symbolique et populaire qu'elle avait sa propre existence. C'est ça ce qui est intéressant, je trouve, c'est que il a construit une œuvre presque, c'est presque Frankenstein, il a construit un monstre à ce point fort, et bien que le monstre, il est lui-même du côté de Frankenstein, le monstre finalement s'est retourné contre lui et a vécu sa vie propre. Et c'est ça aussi l'histoire de la guerre des étoiles. Qui n'a pas eu lieu. Alors la vraie guerre des étoiles n'a pas eu lieu, mais d'une certaine manière, la guerre des étoiles proposée par Reagan en mars 83 a eu les effets escomptés, a eu les effets... C'est-à-dire l'effondrement de l'URSS. Très, très indirectement, l'effondrement de l'URSS. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour Toufik. Alors, est-ce que vous l'avez vu, vous, la guerre des étoiles? Alors, cette question, hein, vous savez, sous son dehors faussement banal, eh bien, elle a, semble-t-il, revêtu ces dernières semaines plus d'importance que n'importe quelle interrogation politique ou philosophique, et je n'exagère pas. Je dirais même qu'autour de moi, hein, cette question a grossi jusqu'à égaler le « que m'est-il permis d'espérer » de Kant, ou le fameux « que sais-je » pyrrhonien. Un nouvel épisode de Star Wars. Bah, tout le monde voulait savoir ce qu'il valait. Tout le monde voulait d'ailleurs le voir avant tout le monde, espérant conquérir cette terra incognita filmique de 2h16, qu'on appelle donc un peu pompeusement le réveil de la force. Et j'ai reçu pas mal de SMS ou de coups de téléphone de mes amis, proches et lointains, qui voulaient savoir s'ils pouvaient m'accompagner pour voir le film avant sa sortie, comparant l'invitation à la projection presse que je devais conserver jalousement dans un coffre-fort à ce ticket d'or, vous savez, qui dans notre enfance permis à Charlie de visiter la fameuse chocolat. Vonka. Je suis désolé, mais il me faut redescendre tout de suite de ce piédestal et de cette galaxie lointaine, très lointaine, pour avouer un secret très bien dissimulé dans la presse française. Je n'ai pas vu le film. Et, ah, oui. Vous n'avez pas eu cette fameuse invitation non transmissible? Non, parce que le secret très bien dissimulé, c'est pas que moi, Laurent Nunez, n'ai pas vu le film, c'est que personne n'a pu voir satané 7e opus de la Guerre des Étoiles avant une date très précise, la veille, le 15 décembre à telle heure. Aucun critique, aucun rédacteur en chef, aucun directeur de journal. Et si vous avez lu il y a quelques jours un article qui parle du film, qui vante l'humour discret ou les effets spéciaux ou les jeux des acteurs, un article qui s'étonne du renversement des rôles au milieu du scénario, qui félicite le réalisateur pour le cliffhanger final. Oui, si vous avez lu quelque chose de ce genre avant le 16 décembre, eh bien, sachez-le, on vous a menti. Le réveil de la force n'a pas sonné en avance. Et les meilleurs journalistes, eh bien, ils ont dû attendre comme tout le monde le jour de la sortie, enfin la veille, hein, et tant pis pour leur orgueil. Alors, pourquoi ne pas avoir programmé de projections bien en avant hein, pour les journalistes? On pourrait évoquer des raisons de sécurité, peut-être. On pourrait parler du désir retors hein, de faire de la rétention d'infos, afin d'attiser la curiosité. Mais je crois que la réponse est encore plus simple et plus cynique. Il n'y a pas eu de véritable projection de presse, parce qu'aucune projection de presse n'était nécessaire. Bah oui, quel journal pouvait ne pas parler de nouvel épisode de Star Wars? Qui aurait pu faire l'économie de présenter ce film? Allez dans les kiosques, il y a des hors-séries partout, et tout le monde en parle à coup de 4-5 pages depuis au moins un bon mois. Eh bien, nous avons atteint, je crois, le dernier stade de la société du spectacle, nous avons tous dû parler d'un spectacle qui n'avait pas encore eu lieu. Dès lors, les journalistes sont devenus, hein, hélas, de simples attachés de presse, obligés pour aller à la ligne de reparler des épisodes précédents, de résumer la saga, bref, de préparer l'esprit des gens à voir ce nouveau spectacle, sans savoir si ce nouveau spectacle valait le coup. Ne rien montrer pour forcer les critiques à dire du bien, bah là, il fallait y penser, hein, non ? J'avoue que c'est des méthodes plus dignes de Dark Vador que des véritables Jedi. Des méthodes hollywoodiennes, étranges, mais modernes en fait. Car la même chose est arrivée en littérature il y a quelques mois, je ne sais pas si vous en souvenez. Avec Millennium, oui. Avec le nouveau tome de Millennium, Ce qui ne me tue pas. Eh bien, aucun journaliste n'avait pu lire le volume avant sa sortie en librairie. Tous ont pourtant parlé du volume avant de l'avoir lu, hein, et donc sans jamais avouer cela. Si je raconte tout cela hein, ce matin, ce n'est pas pour montrer que le roi est nu, ni même pour lui tailler un costard. Ce n'est même pas pour m'indigner, en fait. À vrai dire, je crois que ça me rend heureux. Oui, je suis heureux en ce moment même de devoir parler d'un film que je n'ai pas encore vu, pour une raison très simple. C'est que du coup, je vais être obligé de réfléchir, là, d'approfondir ma pensée, plutôt que de raconter bêtement le scénario, de rendre jaloux tout le monde à coup de « moi, j'y étais avant vous », et de même de me pâmer sur les étonnants effets spéciaux de 2015 en répétant « vous savez, c'est incroyable ce qu'on fait de nos jours avec les ordinateurs ». Vous vous souvenez, dans les paravents, il y a un personnage de Jeunet qui dit une phrase incroyable, d'une vérité très moderne. Il dit « Ces cons finiront par nous rendre intelligents ». Eh ben moi, là, j'y crois beaucoup. J'y crois passionnément. Ces méthodes absurdes de promotion américaine nous rendent plus malins, plus avisés, car du coup, nous ne sommes pas encore sidérés par les folles images du grand écran. Et puisque c'est cela, eh ben tant pis, va. Eh ben sortons du cinéma pour regarder les effets de Star Wars dans la réalité. Tiens, saviez-vous qu'on trouve désormais des temples Jedi un peu partout dans le monde, et même en Turquie, où les Padawans, c'est-à-dire les apprentis Jedi, eh bien, affrontent les foudres du fondamentaliste Erdogan. Bon, comme le film a été tourné à Abu Dhabi, ça doit coller. Oui, ça a dû leur plaire, à eux, pas à lui. Et même en Nouvelle-Zélande, eh bien, vous savez que le jedisme, c'est la troisième religion déclarée du pays, et que c'est une religion qui pourtant continue d'être dénigrée par le ministre de l'Intérieur. Dark Vador, vous savez, il s'est même présenté à la présidentielle ukrainienne en 2014 en tant que candidat officiel du parti de l'Internet afin de remplacer le président pro-russe Yanukovych. Et l'Ukraine, d'ailleurs, est encore allée plus loin dans le cadre des lois sur la désoviétisation. Eh bien, vous trouverez même une statue de Lénine à Odessa qui a été transformée en Dark Vador. C'est vrai, ça ? Oui. Ah, je l'ai vue. Tapez, allez sur Google, cherchez, vous allez la voir, elle est magnifique. Ah, ben voilà. C'est ce genre de choses hein, qu'on découvre par sérendipité. Quel choix, quand entre on a pas vu Dark Vador, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on découvre quand on n'a pas vu ce satané film. On va aussi en librairie, par exemple. Bah, j'ai ainsi découvert que Star Wars inspire de très sérieux spécialistes du droit qui s'interrogent sur les régimes parlementaires et les pouvoirs législatifs et exécutifs de la République galactique en les comparant aux nôtres, qui sait, hein, peut-être pour les améliorer. Les philosophes, eux, y consacrent de très doctes ouvrages comme celui de Gilles Verviche qui vient de paraître. Notre invité d'hier, ouais. Ouais, bah voilà, vous voyez, Star Wars, la philosophie contre-attaque, où l'agrégé déroule le parallèle entre les préceptes platoniciens et iodesques, entre Descartes et R2-D2, le robot ovoïde, qui s'exprime par sifflement. Voilà, de la pop philo comme on aime, hein, faussement burlesque, vraiment, et vraiment intelligente. Et puis j'y pense, hein, parce que moi j'aime bien les paradoxes, je me demande, et puis ce film de fiction là, que je verrai dans le futur, tout d'un coup, est-ce que finalement il parle vraiment du futur ? Parce que quand on regarde Star Wars, c'est évidemment une fiction. Ben, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, une fiction, c'est un récit filmique qui ne peut parler que du passé ou du présent. Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy. Et Laurent Nunez, et si ce film de science-fiction nous parlait vraiment du futur, on aime que quelqu'un nous parle du futur, nous rassure. Oui, ça s'appelle des devins et ils n'existent pas, ils ont tous tort. Vous savez justement, Star Wars c'est un film de fiction. Et comme toutes les fictions, bah, c'est un récit filmique qui ne peut parler que du passé ou du présent. Je crois que c'est ça aussi Star Wars. On savait hein, que l'épopée galactique plongeait dans l'histoire des totalitarismes du XXe siècle. Dark Vador hein, campait en Hitler intersidéral grâce au fameux plan à la Leni Riefenstahl des armées de Stormtroopers à la solde de l'Empire. Mais il faut constater qu'elle ausculte aussi l'histoire de l'Amérique, hein, comme le démontre Thomas Negaroff, qui est votre invité depuis... Depuis lundi, notre tête chercheuse, ouais. Ben voilà, et dont j'ai trouvé en librairie l'essai « Je suis ton père, la saga Star Wars, l'Amérique et ses démons ». C'est naïf, ouais. Et moi, j'ai trouvé là-dedans une phrase de George Lucas que j'aime beaucoup, qui racontait à Cannes en 2005. Il disait ça: « Lorsque j'écrivais le scénario du premier Star Wars, mon pays était traumatisé par la guerre du Vietnam. Je suis troublé que le dernier volet, c'était la revanche des Sith, sorte en pleine guerre d'Irak, nous refaisons les mêmes erreurs. » Vous voyez, en effet, c'est parce que l'Amérique, la vraie, hein, tournait ainsi en effet le dos au puissant précepte de Maître Yoda, personne par la guerre ne devient grand. Et puis je vais vous dire, moi, je crois que en effet Star Wars parle du présent, mais de notre présent. Vous vous souvenez peut-être d'une séquence devenue culte dans La Menace Fantôme. Oui, vous avez vu, je suis obligé de parler des autres, parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le nouveau. Dans La Menace Fantôme, au cours duquel le sénateur Palpatine, pour se faire élire chancelier suprême, déclare devant le Sénat Galactique qu'afin de parer aux menaces dissidentes, hein, celles de la conjuration formée par la Fédération du Commerce, le Clan Bancaire, l'Alliance des Corporations et le Techno-Syndicat, eh ben, la République doit laisser la place à un empire totalitaire. On avait alors l'illustration d'une démocratie, système ô combien fragile, ouais, qui peut se détruire de l'intérieur et basculer dans la dictature, la presque dictature, n'exagérons pas, en optant pour le tout sécuritaire. Et tout le monde avait trouvé un écho dans l'Amérique de George Bush Jr., celle de son Patriot Act et de ses dérives liberticides décrétées à la suite du 11 septembre 2001. Alors, toute ressemblance avec une critique du futur traité transatlantique qui permet à une corporation d'être aussi puissante qu'un État n'est pas non plus rétrospectivement incongrue. Je vais encore plus loin. Après l'annonce de Palpatine, vous savez, la reine de Naboo, Padmé Amidala, la future mère de Luke Skywalker et de Leia, murmure « C'est ainsi que meurt la liberté sous un tonnerre d'applaudissements ». Certains esprits, plus ou moins chagrins, je vous laisse choisir, ne manqueront pas le parallèle avec ce 16 novembre, où face aux attentats djihadistes, François Hollande s'est engagé devant le Congrès à mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos citoyens. Ah oui. Déployant ainsi tout l'arsenal juridique, militaire et policier dont la République dispose, et même un peu plus. Mais l'espoir n'est pas perdu, il est trouvé, prophétise la bande-annonce du réveil de la force, qu'on croit entendre du coup comme un éclair lumineux au cœur de nos ténèbres contemporaines. Ah, vous avez vu quand même la bande-annonce. Ah bah oui, vous savez, je suis un journaliste sérieux et j'ai pas encore vu le film, mais pour écrire cette chronique, j'ai vu une bonne douzaine de fois la bande-annonce du film. Et quoi ? C'est pas pareil ? Ça vous donne pas envie d'y aller ? Bien sûr, je vais le voir comme tout le monde. Je critique, mais je vais le voir. Merci beaucoup, Laurent Nunez. Chronique à retrouver sur franceculture.fr. À la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Demain, on se retrouve avec en première partie Thomas Negaroff qui continue à nous raconter l'Amérique à travers la guerre des étoiles. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité des romans graphiques, de la bande dessinée. Et demain, je reçois Philippe Gueluc. Bonne matinée sur France Culture. À demain. À bientôt, Laurent Nunez. À bientôt, bonne semaine.